Phase 12. Activation orale. Accord. Approbation. Répondez en indiquant votre approbation. Par exemple, un ami vous dit... Moi, je ne fume pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour approuver? Tu as raison. 2. Attends-moi là, je reviens tout de suite. Très bien. 3. Allons passer l'été à Saint-Tropez. C'est une excellente idée. 4. Moi, je crois que je vais faire du droit. Parce que le droit, ça mène à tout. Tu as raison. 5. Bon, eh bien, je vais à la queue. C'est ça.